Effectivement, enfin, pour être tout à fait honnête, d'ailleurs, le genre s'est pas imposé à moi dès le début, mais c'est le sujet qui a fini par enfin, le genre a fini par s'imposer à moi dans différents travaux, effectivement. Et donc je vais en parler un petit peu aujourd'hui, puisqu'il est question effectivement de genre, mais on va voir qu'en réalité les choses sont peut-être un peu plus complexes et que les catégories de genre n'entrent pas forcément toujours dans les questions disciplinaires à la caserne. En tout cas, c'est une de mes théories. Donc, je commence ? Oui ? D'accord. Une précision, c'est toi qui inaugure notre nouveau thème sur la routine. Oui. On n'est pas encore très sûr complètement. Mais il y a de la routine dans les casernes, donc normalement, je pense que ça devrait fonctionner. Ouais. Alors justement, sur la notion de routine, il me semble que c'est une notion qui est tout à fait essentielle pour comprendre la vie militaire par en bas, c'est-à-dire par les actes matériels, et non par en haut, c'est-à-dire par ce qu'on pourrait appeler les actes discursifs, c'est-à-dire finalement les discours dominants et institutionnels qui sont portés sur la vie militaire. Alors pour aborder cette notion de routine, il m'a paru intéressant de le faire à travers la question des tâches ménagères dans les casernes à la fin du XIXe siècle, parce que ce sont des tâches qui occupent beaucoup de temps dans la vie des soldats, qui constituent en quelque sorte la trame quotidienne et routinière de la vie militaire. Alors la question des tâches ménagères m'a paru intéressante également pour une autre raison, qui pour le coup effectivement est proche des interrogations de ce séminaire, c'est évidemment la question du genre. J'ai été frappé quand j'ai commencé à travailler sur le monde des casernes, parce que l'institution demandait de faire aux soldats, c'est-à-dire un ensemble de travaux ménagers à l'échelle de la caserne, nettoyer la cour, faire la cuisine, etc. Et puis un ensemble également de travaux ménagers à l'échelle des chambrées. Les chambrées, ce sont les chambres d'une vingtaine de soldats dans les casernes, avec un ménage permanent. Il faut passer le balai, il faut nettoyer le parquet à la cire, vider les crachoirs, ranger le matériel et les équipements, savoir faire son lit, c'est tout un art dans l'armée, astiquer en permanence le matériel, la tenue, faire des travaux de couture, recoudre son uniforme, etc. Bref, la vie ordinaire finalement du soldat dans ces casernes rejoint en partie, et quand même de manière troublante, l'idéal de la bonne ménagère bourgeoise qui se constitue à la Belle Époque, et même avec l'apparition au même moment, dans les années 1880, de cette science ménagère qui devient une discipline scolaire qui est réservée aux femmes, comme l'ont montré notamment les travaux de Rebecca Rogers ou de Joël Le Baume. Alors c'est d'autant plus troublant que dans le même temps, à peu près dans les mêmes années, la caserne se présente comme le sanctuaire de la masculinité, c'est-à-dire le lieu dans lequel on produit des hommes, des vrais, en tout cas si l'on croit le discours tenu par l'institution militaire. C'est le fameux « bon pour le service, bon pour les filles » qui a donné le titre de la thèse de Bill Roinette sur l'expérience des casernes. Alors il y a là un paradoxe, qui on va le voir en réalité est un peu artificiel, mais ça me permet d'avoir une problématique, c'est finalement, on pourrait poser les questions suivantes. Est-ce que dans l'armée, il faut maîtriser les tâches ménagères pour être un homme? Est-ce qu'il existe ou pas un lien ou une opposition entre ces tâches ménagères exigées du soldat et cette masculinité que prétend construire l'armée? Est-ce que ces tâches ménagères sont finalement incongrues ou à l'inverse, est-ce qu'elles s'inscrivent finalement parfaitement dans la culture militaire de la fin du XIXe siècle? Alors il y a différentes manières de répondre à ces questions et à cette interrogation de départ, sur ce paradoxe finalement. Je vais d'abord tenter d'y répondre selon une approche diachronique, un peu classique, en tentant d'expliquer pourquoi les hommes se sont retrouvés, à la fin du XIXe siècle, à prendre en charge l'intégralité de ces tâches ménagères, tâches qui auparavant étaient en partie réservées aux femmes dans les casernes. Puis dans un deuxième temps, je vais tenter une approche qui est précisément celle de la routine, c'est-à-dire celle d'une approche du quotidien, du matériel, des gestes répétés, et une approche qui me semble beaucoup plus féconde pour comprendre justement le sens réel de ces travaux ménagers dans les casernes. Et puis je m'interrogerai pour terminer sur la question de la ou des masculinités dans les casernes, pour voir si elles s'opposent ou pas à la question des tâches ménagères. Donc dans un premier temps, je crois qu'il est important de faire un bond en arrière, de revenir à la situation des armées d'Ancien Régime, et de voir que dans ces armées, la place des femmes était indispensable. Parce qu'elles prenaient en charge à la fois les services de ce qui viendra par la suite l'intendance, c'est-à-dire notamment le ravitaillement, et également les tâches ménagères. Alors l'historien américain John Lynn, qui a écrit un ouvrage, excusez-moi pour l'accent, mais Women, Armies and Warfare in Early Modern Europe, a bien montré que les femmes jouent un rôle fondamental dans ce qu'il appelle l'économie de pillage des armées. À l'époque, on n'a pas de caserne, à l'époque où effectivement on se nourrit sur la bête, comme on dit, c'est-à-dire sur les territoires occupés, ces femmes ont un rôle important puisqu'elles s'occupent effectivement de l'intendance, etc. À partir du milieu du XVIIe siècle, avec un concept bien connu des modernistes, avec la révolution militaire, c'est-à-dire la prise en main étatique de l'armée et l'encasernement très progressif en réalité, cette fonction féminine aurait été progressivement remise en cause. En réalité, c'est ce que dit John Lynn, mais en réalité cette remise en cause est très progressive. Les armées du XVIIIe siècle sont encore très largement des armées féminines, en tout cas dans les emplois qu'on retrouve à la caserne, et jusque dans les armes combattantes, il y a quelques exceptions, les fameux cas de travestissement, les femmes soldats étudiées par Sylvie Steinberg. Alors dans les armées du XVIIIe siècle, dans les casernes même du XVIIIe siècle, cette présence féminine est avérée. C'est montré par exemple Sabina Loriga dans son étude sur l'armée piémontaise au XVIIIe siècle. On a des femmes, des enfants qui sont présents dans les casernes, qui suivent donc les maris ou les amants, souvent les différences ne sont pas forcément évidentes à définir à ce moment-là, s'occupent de la cuisine, des tâches ménagères, etc. La véritable remise en cause de cette présence féminine dans les casernes, au moins sur un plan idéologique, se produit avec la Révolution française, c'est-à-dire avec l'émergence de la figure du citoyen-soldat qui va produire un lien entre citoyenneté, identité masculine et port des armes. Le port des armes qui est au même moment refusé aux femmes, dont certaines le réclament pourtant sous la Révolution, au nom justement des distinctions de genre qui se mettent en place pour justifier l'exclusion de la citoyenneté. Il y a un article là-dessus de Dominique Godinot dans la revue Clio qui est très intéressant sur la question. En 1793, la Convention réagit contre cette présence féminine, qualifiée, je cite, de « fléau des armées », et tente de réduire donc le nombre des femmes dans les armées. Alors il s'agit, encore une fois, sans doute d'un vœu pieux, puisqu'on le sait, dans les armées révolutionnaires et impériales, on trouve encore beaucoup de femmes qui occupent des rôles assez polyvalents, à l'image de la cantinière. Là, je vous ai montré donc une représentation française d'une cantinière autrichienne, mais c'est un peu le même modèle dans les armées européennes. Et ce sont des femmes qui ont, comme on le voit là sur l'image, des rôles polyvalents et un statut indéterminé. Elles peuvent être à la fois mère, on voit qu'elle a un enfant, également femme, maîtresse, voire parfois prostituée. Elles s'occupent de l'intendance, elles fournissent du vin. Ça, c'est la grande représentation de la cantinière avec le verre de vin offert aux soldats. Elle s'occupe de l'alimentation, elle réalise des travaux de couture, etc. Bref, elle s'occupe finalement des rôles de ménagère dans ces armées révolutionnaires et impériales. La véritable rupture se produit, à mon avis, au cours du premier 19e siècle, qui est aussi, c'est pas un hasard, le moment de l'exclusion des femmes des lieux publics. Alors cette exclusion répond à plusieurs motifs, je passe très rapidement là-dessus. Il y a évidemment la lutte contre les maladies vénériennes, qui aboutit à une séparation progressive des hommes et des femmes dans les casernes, une forme également de moralisation de la vie militaire, avec l'imposition des valeurs familiales bourgeoises par les officiers, c'est très net en France, c'est très net en Angleterre également, et tout cela se traduit par un double processus, à la fois d'exclusion et de ségrégation de la place des femmes dans les casernes. On va chasser les filles à soldats, mais on réglemente la prostitution autour de la caserne. On aboutit même finalement à une forme de militarisation de la prostitution qui, à terme, aboutira ensuite, je pense après 14, au fameux BMC, au bordel militaire de campagne. Puis on chasse les maîtresses, mais on va progressivement intégrer les femmes mariées, et notamment les femmes mariées de sous-officiers, qui vont être donc parquées d'une certaine manière dans des quartiers à part, surveillées, etc. De la même manière, on réglemente de plus en plus la place des cantinières, et on va réduire leur nombre, jusqu'à ce qu'elles disparaissent finalement en France à la fin du XIXe siècle. Là on peut se reporter aux travaux de Gilles Miaelli, qui a fait une thèse d'histoire culturelle sur le modèle militaro-viril en France, et qui montre cette disparition progressive donc des cantinières. Alors, pour expliquer cette disparition des cantinières, Gilles Miaelli explique que le modèle militaro-viril, je reviendrai sur ce modèle militaro-viril, est devenu tellement puissant dans la société française du XIXe siècle, qu'il aurait rendu de plus en plus incongru la place notamment de ces cantinières dans les casernes, et il en veut pour preuve la définition du grand dictionnaire universel du XIXe siècle, qui définit la cantinière, je cite, comme appartenant à un sexe intermédiaire, à quelque chose d'androgyne, beaucoup plus proche du sexe fort que du sexe faible. C'est-à-dire que finalement, la cantinière ne rentre plus dans les assignations de genre voulues par l'armée, montre bien que le travail féminin, finalement, dans les casernes, est devenu incongru. Alors, il y aurait donc, à en croire Gilles Mielli, un processus de masculinisation des casernes, qui connaît sans doute un seuil décisif en France, à partir du moment où le service militaire devient obligatoire, c'est-à-dire à partir de la loi de 1872. Et pour le coup, l'adoption du service obligatoire renforce le lien entre identité masculine et service militaire et contribue à renforcer la prétention à ce que l'historienne allemande Ute Frevert appelle l'universalisation du genre, c'est-à-dire la prétention de l'armée à incarner un modèle ultime, absolu, hégémonique de masculinité. Dans les armées qui adoptent le modèle de la conscription obligatoire à la fin du XIXe siècle, et elles sont nombreuses en Europe, tous les hommes, à quelques exceptions près, et seulement les hommes participent au service militaire, ce qui explique le pouvoir immense prêté à l'armée dans la définition de l'identité masculine. Et pour cette raison, on comprend que la présence féminine, eh bien, ait été considérée au mieux comme incongrue, au pire comme une menace dans ces casernes transformées en sanctuaires de la masculinité. Alors pour le mesurer, pour comprendre ça, on peut faire une comparaison avec l'armée britannique qui repose, elle, sur le volontariat et pas sur le service militaire obligatoire. Et dans cette armée, les femmes ont un rôle plus important. On va retrouver d'ailleurs à partir de 14, hein, participer notamment dans les services auxiliaires au combat indirectement après 14, et notamment à travers une institution qui n'existe pas en France, qui s'appelle les Women on the Strength, les femmes du régiment, qui sont des femmes mariées, alors mariées avec l'autorisation des officiers, mais mariées aux soldats et aux sous-officiers qui habitent des quartiers à part, donc ça on retrouve ça en France, mais qui sont rémunérées pour des tâches ménagères, blanchisserie, couture, cuisine, éducation des enfants, etc. Et en France, au même moment, on ne retrouve pas ce type d'institution, il n'y a pas de travail féminin, toutes les tâches ménagères à la caserne sont prises en main par les soldats, par les hommes. D'abord, on peut penser parce que l'armée dispose d'un contingent, donc une troupe assez nombreuse, beaucoup plus nombreuse qu'en Grande-Bretagne, et que pour le coup, elle a une main-d'œuvre captive, donc on va utiliser les soldats pour faire ces tâches ménagères, on ne va pas payer, on ne va pas externaliser ces tâches. Et ensuite, parce que, bien effectivement, les emplois féminins sont devenus, d'une certaine manière, indésirables, en raison de la sanctuarisation masculine des casernes. Alors on aurait là, finalement, bon, l'explication de cette prise en charge d'un certain nombre de tâches ménagères par les soldats, tâches qui revenaient auparavant aux femmes et, avec leur exclusion, eh bien, qui reviendraient ensuite aux hommes à la fin du XIXe siècle. On pourrait s'arrêter là, finalement, et considérer eh bien, que c'est cette exclusion féminine qui est historiquement à l'origine de cette prise en main masculine des tâches ménagères, mais il me semble que, justement, l'explication serait insuffisante. Et c'est là, il me semble, l'intérêt de passer par la routine, parce que cette explication ne permet pas de saisir la fonction réelle de ces tâches ménagères, dont certaines, notamment l'entretien de l'équipement, de l'uniforme, etc., remontent déjà au début du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où les femmes étaient déjà présentes dans les casernes. Pour comprendre ce qui se joue dans ces tâches ménagères masculines, il faut changer d'échelle d'observation, quitter les grandes explications causales, englobantes, etc., pour étudier le détail, le matériel, les gestes quotidiens et répétés, en bref, eh bien justement, la routine du soldat. Donc là, je m'attaque pour le coup, je rentre dans la routine. Je laisse de côté les grandes explications et je m'attaque au propos du séminaire. Donc ces tâches ménagères sont le produit d'une relation, mettre les choses à plat, hein, partir vraiment de ce qui se passe réellement dans ces tâches, c'est le produit d'une relation entre les soldats, d'un côté, et un certain nombre d'objets, des objets qu'il faut entretenir, qu'il faut nettoyer, qu'il faut utiliser parfois également à des fins d'entretien. Alors, quels sont ces objets? On peut les classer en deux grandes catégories. On va avoir d'abord des objets collectifs. Donc là, je vous montre l'intérieur, photo d'une chambrée en 1913, donc les objets collectifs qui sont les objets sur lesquels s'exerce une responsabilité collective. Bon, là, je reste à l'échelle des chambrées. Par exemple, on va avoir ici hein, la table, ça va être également les bancs ou le parquet qu'il faut cirer, qu'il faut nettoyer. Ce sont donc des objets qui sont notamment sous la responsabilité du caporal. Et puis on va avoir des objets qui sont des objets individuels, qui cette fois sont placés sous la responsabilité de chaque soldat. Donc on peut les voir ici sur cet extrait d'un manuel d'infanterie. Ce sont des objets dont les soldats sont responsables et qu'ils doivent présenter le jour d'une revue de détail. Il y a un très grand nombre d'objets, il y en a encore plus évidemment dans la cavalerie parce qu'il y a tout le matériel nécessaire pour équiper les chevaux. On peut faire une rapide typologie de ces objets. Vous avez l'ensemble des objets qui sont liés à la tenue, donc les trois uniformes dans l'infanterie, tenue du matin, tenue du jour et grande tenue. Les différents vêtements, chemises, caleçons, etc. Les chaussures, qui font l'objet d'un soin tout particulier, surtout dans l'infanterie. Ensuite, on a l'ensemble des objets qui sont liés à l'équipement, le fusil, le sac de marche, gamelle, bidon. L'ensemble des objets nécessaires à l'entretien des armes et de la tenue, qui sont très nombreux. On en voit quelques-uns ici sur l'image. On va voir le cirage, le fil, les aiguilles, les dés à coudre. On insiste sur cet objet qui me semble quand même assez intéressant. Dés à coudre, ciseaux. Et puis les différentes brosses. Alors là, on voit qu'il y a quatre types de brosses. On voit ici sur l'image quatre types de brosses. On a, je suis volontairement détaillé parce que c'est sur la routine. Hein. Ça peut paraître un peu embêtant comme ça, mais je... Donc c'est les brosses à habits, brosses à lustrer, brosses à souliers, brosses à fusil. Puis on ajoutera enfin des objets individuels de la chambrée, le lit, qui doit être fait le plus correctement possible. Il y a une science, il y a un art du lit militaire, qui existe encore aujourd'hui, hein, je pense. Et le plateau sur lequel chaque soldat pose ses objets, qui doit être également parfaitement rangé. Alors tous ces objets donnent lieu à des tâches ménagères nombreuses, qui occupent une place importante dans le quotidien du soldat. La chambrée doit être aérée et nettoyée tous les matins, les lits bien pliés, la tenue doit être nettoyée, cousue, recousue. Hein, il faut savoir que ce sont des tenues qui n'appartiennent pas aux soldats, mais qui appartiennent à la compagnie. Et donc se transmet ces tenues, donc elles sont un peu usées. Et l'équipement doit être astiqué, hein, pas la moindre tâche sur le fusil, les accessoires, etc. Ces tâches ménagères sont extrêmement techniques et extrêmement précises. Voilà par exemple comment, c'est un conseil tiré d'un manuel de conseil aux conscrits, comment on doit astiquer les cuirs dans l'armée. Je cite ce manuel. Vous fixez solidement les cuirs sur une planche dite à astiquer, ça peut toujours servir, on ne sait jamais, et muni d'un bâton taillé en biseau, vous les amollissez en frottant vigoureusement. Vous avez soin d'enduire vos cuirs de cire noire en bâton. Lorsque le travail d'amollissement est fait, vous donnez un coup de brillant avec un chiffon de laine. Si vous voulez un brillant tout à fait étincelant, étendez vos cuirs convenablement astiqués et passez au chiffon de laine, une légère couche de cire jaune en bâton, puis passez à nouveau le chiffon de laine. Donc ce sont des opérations techniques qui réclament un certain tour de main. Un tour de main qui s'acquiert seulement au bout de certaines expériences de la vie militaire. Comme l'indique d'ailleurs l'auteur de ce manuel, Pierre Desclos, il est un peu plus loin dans son manuel, il dit « on reconnaît le lit d'un bleu du lit d'un ancien », parce que le bleu c'est le soldat qui arrive à la caserne, qui ne sait pas encore faire son lit. L'ancien, lui, on voit tout de suite qu'il sait... qu'il fait faire son lit. Alors, on peut avoir également donc un autre exemple de cela avec une séance d'astiquage. Donc là, on voit les soldats en train d'entretenir le matériel. Et on voit, bon, on devine à travers cette représentation, qu'on a affaire à un savoir-faire qui est incorporé à la suite d'un entraînement. Hein, c'est quand même assez routinier, c'est répété, ce type de geste. Et qui devient, pour reprendre le concept de Marcel Mauss, une technique du corps. C'est-à-dire une technique qui constitue un langage, une identité, une performance qui permet d'identifier l'ancien, le gars de la classe, comme on dit, c'est-à-dire celui qui va bientôt partir, qui est l'ancien soldat, qui n'est pas un bleu. Il y a un phénomène de distinction dans la caserne entre le bleu, qui ne connaît pas les techniques, et l'ancien, le gars de la classe, qui lui sait comment manier ce type d'objet. Alors, maintenant, pour l'institution militaire, quelles sont les finalités de ces tâches d'entretien? Vous avez la finalité officielle, qui est la plus souvent avancée pour justifier ces tâches ménagères, c'est la finalité proprement militaire. Notamment avancée quand il s'agit du pactage du soldat. Pourquoi? Parce que en cas de mobilisation, le soldat, notamment dans l'infanterie, doit faire rapidement son sac et doit savoir plier, optimiser la place. Donc dans son sac, il est important qu'il soit habitué à faire ce type de geste. Vous avez également, deuxième finalité, la finalité administrative. Il s'agit évidemment d'économiser le matériel militaire, qui est aux frais de l'État, qui est payé par les contribuables, et donc effectivement on essaie de responsabiliser les soldats. D'ailleurs les soldats, s'ils abîment ou s'ils dégradent le matériel militaire, doivent le rembourser. Plus souvent on prend sur leur solde. Donc il y a une finalité tout simplement matérielle, administrative. Puis il y a la dernière finalité, qui à mon avis est la plus importante, et qui n'est jamais réellement explicitée par l'institution militaire, et pourtant elle est essentielle, c'est la discipline. C'est la disciplinarisation des corps. Contraindre les soldats à s'occuper de ce matériel, c'est à la fois occuper les soldats, différents sens du terme, les occuper, occuper le corps des soldats, les astreindre à un certain nombre de gestes, les forcer à obéir aux ordres et aux règlements, aussi absurdes soient-ils, ils sont nombreux dans l'armée, sans poser de questions. Donner un exemple, par exemple, pour l'entretien du crachoir, pour les mesures d'hygiène, on place ces espèces de pots de chambre dans lesquels on crache, pour éviter de cracher sur le parquet, c'est censé être plus hygiénique. Le règlement intérieur rend le caporal responsable de l'entretien du crachoir. On pourrait penser que finalement, le caporal est responsable, il va entretenir le crachoir comme bon lui semble. En fait, pas du tout. Le règlement intérieur précise exactement les modalités de l'entretien de ce crachoir. Il doit être nettoyé quotidiennement avec du sable arrosé de désinfectant. Et alors ça, c'est un règlement qui remonte aux années 1880, et visiblement, ce n'était pas suffisamment précis. Donc une circulaire du 5 septembre 1901 précise l'opération. Ces crachoirs doivent être garnis, je cite, d'un charbon tenu humide ayant la grosseur d'une noisette, et on précise également la procédure exacte pour vider le crachoir. Donc bon, cette minutie réglementaire est typiquement militaire, en ce sens qu'elle reflète à la fois la subordination exigée des soldats et la puissance du commandement, de la hiérarchie, l'idée en fait que la discipline permet à un règlement imposé par un supérieur, ou par le ministère, ou par un officier supérieur, d'être exécuté dans les moindres détails par un simple soldat. Donc la hiérarchie impose aux soldats un certain nombre de gestes réglementaires très précis dans ces tâches ménagères, et des gestes qui sont régulièrement contrôlés par des examens que l'on nomme des revues, et dont la plus fréquente est la revue de détail. Vous avez ici une carte postale qui montre à quoi ça ressemble, ces revues de détail qui sont passées dans les chambrées. Vous avez donc un officier qui dirige la revue, bon, parfois ça peut être un sous-officier. Les soldats donc sont au garde à vous, donc les corps sont droits. Les objets sont alignés sur le lit de façon réglementaire. On ne va pas mettre le béret ici, on va le mettre là, le képi, etc. On doit suivre là aussi le règlement. Donc ces rituels d'inspection, tels qu'on les voit ici, sont décisifs pour la troupe, parce que c'est une épreuve à laquelle on se prépare, on se prépare même en permanence à affronter cette revue, que l'on doit franchir sans encombre si on ne veut pas être puni. Parce que s'il y a un problème sur le matériel, on est puni, le plus souvent ce sont des punitions de consigne. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne sortez pas le dimanche, vous restez à la caserne, le dimanche étant le seul jour où on peut sortir, s'ébattre dans la campagne ou en ville. Pour les gradés, c'est un moment stratégique également, parce que c'est là que s'exprime à la fois leur savoir-faire ménager et leur pouvoir disciplinaire. Comme l'écrit le sergent Schwartz, qui est l'auteur d'un manuel pratique pour les sous-officiers, ces inspections régulières sont, je le cite, une petite science qui demande une véritable routine du métier militaire. Cette petite science est à la fois un savoir-faire ménager, c'est-à-dire que les sous-officiers sont eux-mêmes d'anciens soldats qui connaissent la combine, qui connaissent les techniques d'entretien, et dont certains sont très fiers de savoir comment on doit entretenir des chaussures, et qu'ils le montrent finalement aux soldats, mais c'est également une science du regard, c'est-à-dire un regard capable de détailler, d'évaluer l'ensemble des objets qui entourent le soldat. À commencer évidemment par la tenue, qui fait l'objet d'un contrôle permanent dans la caserne, et qui répond là aussi à un certain nombre de techniques pour repérer ce qui cloche dans une tenue. Le capitaine Faury, qui a écrit également des conseils pratiques pour les sous-officiers, détaille les différentes étapes de ce regard, je le cite, « Il faut opérer méthodiquement, commencer par le shako et aller en descendant jusqu'au pied, puis faire demi-tour à l'homme et recommencer. Cette première opération réalisée, le regard doit ensuite se porter sur un certain nombre de points précis, képi, cravate, tunique, etc. » On a une illustration de cette petite science du regard disciplinaire à travers donc cette carte postale, où on voit un caporal qui inspecte qui inspecte donc l'uniforme d'un soldat. On voit la légende, hein, le caporal qui dit « on voit bien que cette épaulette a été mise par un bleu ». Donc le caporal à la fois fait valoir son savoir-faire ménager, lui il n'est pas un bleu, il sait comment on pose une épaulette, ben, c'est fier finalement de cela, ce qui fait d'ailleurs beaucoup rire les beaucoup de conscrits qui arrivent à la caserne et qui sont éberlués devant ces sous-officiers qui sont très fiers de savoir nettoyer leurs chaussures. Bon, ça fait partie en tout cas des topos du comique troupier. Et puis il exprime également son savoir-faire disciplinaire, c'est-à-dire qu'il a réussi à voir le détail qui clochait dans la tenue du soldat. Donc on le voit, ces tâches ménagères sont totalement inscrites dans des techniques disciplinaires qui visent à contrôler et à soumettre le corps des soldats, mais elles s'inscrivent également dans les rapports de pouvoir, notamment entre les sous-officiers et les soldats. En effet, peu importe qu'une chaussure soit sale ou pas très propre, ce qui compte, c'est le regard porté sur cette chaussure par le gradé qui est chargé de l'inspection. Lui seul peut décider, enfin l'adjudant, c'est souvent le cas d'ailleurs, peut décider en dernière instance de l'état de la chaussure. De cette manière, les gradés se servent de ces objets pour objectiver leur domination et leur pouvoir sur les subordonnés. Sous-entendu, ce n'est pas moi qui vous punis, c'est votre chaussure qui est sale. Ça, c'est une technique courante. On peut en avoir un exemple ici avec le témoignage d'un sous-officier qui témoigne donc devant un conseil d'enquête en 1906, qui se plaint de ses supérieurs, je cite son témoignage. Samedi, le capitaine prescrivit une revue de casernement, et comme le matin, le lieutenant nous avait dit que nous ne serions pas punis tous ensemble, mais les uns après les autres, il les a prévenus à l'avance qu'ils seraient punis, et qu'un sergent avait déjà été puni la veille, nous pressentions que certainement il y aurait une punition pour quelqu'un. Le moment de la revue arriva, le capitaine, suivi de l'adjudant, passa dans la chambre de mes hommes, et il allait partir n'ayant rien trouvé quand il alla au râtelier d'armes, prit des fusils, et en avisant un qui avait à la crosse un restant de brosse du matin large exactement de 5 mm, en profita pour me punir 2-3 jours de consigne. Donc il y a un proverbe dans l'armée, on dit qu'on veut punir quelqu'un, on le punit sans problème, il suffit de, notamment de se servir de ces objets. Donc on le voit, l'inspection de ces tâches ménagères permet aux gradés d'exercer une véritable emprise sur les soldats. Alors pour autant, présenté comme cela, on pourrait avoir l'impression que ce type d'affrontement est spectaculaire, qui se produit comme ça dans les rapports de pouvoir. En réalité, ce type d'affrontement ne rend pas compte de l'effet réel de cette emprise des tâches ménagères dans les régiments. Pour essayer de mesurer l'effet de ces tâches ménagères, j'ai essayé d'exploiter un registre de punition donc que j'ai trouvé. Je suis très content, c'est une grande découverte. C'est une source inédite pour l'instant. Registre de punition donc, que j'ai trouvé dans les archives de la Défense, qui est celui du 99e régiment d'infanterie, qui contient plus de 1700 punitions qui ont été données dans un régiment durant 6 mois, entre 1878 et 1879. Et donc j'ai passé beaucoup de temps et moult soirées à coder les motifs de punition, qui sont souvent alambiqués hein, dans l'armée, motifs de punition. Et donc j'ai essayé de faire un codage pour essayer de voir le type de faute qui revenait le plus fréquemment. Alors, sous la catégorie temps, en fait, se trouvent les fautes pour absence, retard ou sortie sans permission. Il semble qu'elles soient les plus courantes, en tout cas dans ce régiment. Sous la catégorie responsabilité, ce sont les fautes commises en responsabilité, soit de la part de sous-officiers, soit de la part de soldats à qui on avait donné une mission et qui l'ont mal remplie. Sous la catégorie matérielle, ce sont précisément les fautes liées aux tâches ménagères à effectuer donc, sur les objets. Catégorie hiérarchie, il s'agit des fautes liées au refus d'obéissance ou à l'insolence. Bon, l'insolence dans l'armée, ça peut être un simple murmure hein, quand on reçoit un ordre. Et puis la catégorie norme, qui est un peu, je l'avoue, la catégorie un peu fourre-tout, sont les fautes liées au non-respect du règlement, certaines attitudes corporelles, etc. Pour les sous-officiers et les soldats, puisque les officiers ne sont pas punis dans l'armée. Ils échappent justement à ces punitions. Alors c'est un codage qui est évidemment forcément arbitraire, hein, je pense que beaucoup ici sont allés dans l'atelier quantitatif, donc ils le savent, hein, tous les codages sont arbitraires, mais qui a au moins l'avantage d'isoler la part des sanctions liées aux tâches ménagères, qui est quand même relativement, enfin qui n'est pas négligeable, puisqu'elle se situe à un peu plus de 15%. Si on regarde maintenant les grades donc, qui sont donc liés à l'autorité punitive, on voit que ce type de faute est avant tout sanctionné par les officiers subalternes, donc du sous-lieutenant au capitaine, ce sont les officiers de compagnie, et par les sous-officiers. Alors, cela signifie que ces punitions interviennent le plus souvent dans le cadre des compagnies. Or, les compagnies, là, il faut passé pour le coup par une étude un peu spatiale de la caserne, mais les compagnies sont les cellules élémentaires dans les casernes. Les bâtiments, l'architecture des casernes de cette époque-là, prend comme fondement le bâtiment de compagnie, qui donc regroupe plusieurs chambrées, et on peut penser pour le coup que ces fautes matérielles se produisent dans le cadre des tâches ménagères de la chambrée. Quand on regarde les grades punis, là on a une belle pyramide qui correspond à la répartition classique des sanctions disciplinaires dans l'armée. En gros, moins vous êtes gradé, plus vous êtes puni. Ça c'est la logique militaire qu'on retrouve également dans les conseils de guerre. Alors ce qui est intéressant ici sur ce graphique, c'est la place des caporaux. On le voit notamment dans ce régiment. Ils sont davantage punis qu'ils ne punissent pour les tâches liées aux fautes. Les fautes liées aux tâches ménagères. Cette dissymétrie s'explique parce que les caporaux sont responsables de la propreté des chambrées, donc ils sont punis quand la chambrée n'est pas propre, mais ils peuvent également punir les soldats quand ils ont mal rangé la chambrée. Donc, vous imaginez donc toutes les configurations possibles de pouvoir avec ce type de règlement. Par exemple, les soldats qui peuvent s'arranger, quand ils connaissent bien la routine disciplinaire, pour faire punir leur caporal, qui à son tour va se venger en punissant les soldats. Bon, tout ça, évidemment, donne beaucoup de lieux communs dans le comité de troupiers, mais c'est une vérité des relations de pouvoir dans les casernes. Dernier chiffre sont les sanctions disciplinaires. Alors, il y a une gradation des sanctions, c'est de l'infrajudiciaire dans la mesure où les punitions judiciaires, c'est le conseil de guerre, là on est vraiment en dessous. Donc les consignes, vous êtes consigné au quartier, vous ne pouvez pas sortir, la salle de police, vous êtes enfermé à plusieurs dans une salle et vous sortez uniquement pour le service, et la prison, vous êtes en prison, vous ne bougez plus, modèle carcéral. Alors quand on regarde l'ensemble des punitions, on a plus ou moins du 50-50, c'est-à-dire que partagé entre les consignes et la salle de police. Par contre, quand on regarde les fautes matérielles liées aux tâches ménagères, on voit que la part des punitions de consignes est plus importante que celle des salles de police, et ce n'est pas du tout la même chose pour les fautes hiérarchiques, où là, c'est plutôt la salle de police qui domine. Alors comment expliquer cette différence? Eh bien simplement, les sanctions sont moins sévères pour les fautes liées aux tâches ménagères. Ça s'explique parce que les fautes hiérarchiques liées au refus d'obéissance ou à l'insolence sont des fautes qui sont insupportables parce qu'elles sont spectaculaires, que c'est vraiment un affrontement avec la hiérarchie. Et à l'inverse, les fautes liées aux tâches ménagères sont d'une certaine manière des fautes indirectes contre la discipline. Elles sont plus courantes. Elles s'inscrivent dans la routine militaire. Ce ne sont pas des fautes spectaculaires. On ne risque pas le conseil de guerre ou la prison parce qu'on a mal balayé la chambrée, mais ce qu'elles perdent en intensité, elles le gagnent en permanence. On se situe ici, en définitive, au cœur de la routine disciplinaire, c'est-à-dire que ces tâches ménagères permettent un contrôle constant et diffus sur le corps des soldats, manifestant ce que Michel Foucault appelle l'élégance de la discipline, c'est-à-dire la capacité de cette emprise disciplinaire à devenir presque invisible, presque indolore, à force d'être permanente et routinière. Cette routine disciplinaire constitue un aspect essentiel de l'expérience militaire des soldats, ce dont d'ailleurs les officiers qui sont passés par Saint-Cyr n'ont pas toujours conscience de cette expérience. Elle impose un emploi du temps, un certain type de gestes répétés, une attitude à adopter sans lesquelles on risque à tout moment une sanction disciplinaire. Alors, cette approche par le détail matériel, par la routine de la vie militaire, permet d'échapper, à mon avis, bon là je pique historiographique, mais permet d'échapper au travers d'une approche culturaliste sur la question du rapport consenti ou pas au service militaire. L'erreur consiste à prendre, à mon avis, pour argent comptant, un certain nombre de discours qui sont portés par des acteurs partie prenante de l'institution, les officiers, les hommes politiques, qui imaginent ou qui confondent leur désir avec la réalité, qui imaginent un consentement patriotique au service militaire. Pour le conscrit, le sens de sa soumission au service militaire ne se pose pas. Ce qui compte, une fois les portes de la caserne fermées derrière lui, c'est, selon la formule, de faire son trou, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, de faire avec la discipline. Il y a là une sorte de fatalisme qui est lié à la domination exercée sur les conscrits, et qui est bien analysé par Richard Hogarth concernant la domination des classes populaires, qui sont d'ailleurs présentes en grand nombre dans la caserne. Ces citations de Richard Hogarth pour les classes populaires, il écrit « On ne demande pas aux membres des classes populaires de prendre le monde à bras le corps et de le transformer, et de la même manière, on ne demande pas aux conscrits que se prononcer sur l'utilité politique, morale, philosophique du service militaire. Ils sont simplement là pour obéir, et donc ils évitent de trop se poser ce genre de questions. D'ailleurs, Richard Hogarth, pour qualifier cette attitude des classes populaires, emploie l'expression significative de « fatalisme du conscrit ». Et en effet, l'attitude ordinaire de la troupe ne tient ni du consentement, ni de la pure contrainte. Vous voyez que j'ai tendance à importer ce débat-là sur la question du service militaire, mais c'est un débat qui est très intéressant, je pense. Donc on n'est ni dans le consentement, ni dans la pure contrainte, ni dans l'obéissance, ni dans la désobéissance, mais on est plutôt dans un jeu permanent avec les contraintes disciplinaires, lesquelles peuvent être à la fois parfaitement incorporées, on le voit avec ce travail ménager, etc., mais également détourné. Ce qui pose la question de la marge de manœuvre des soldats face à cette routine disciplinaire des tâches ménagères. Une marge de manœuvre qui s'exprime non pas dans le refus ou dans la révolte frontale, mais dans une série d'adaptations secondaires, pour reprendre le concept qu'utilise Erwin Goffman dans les hôpitaux psychiatriques. Ces adaptations secondaires ont pour finalité de desserrer l'emprise disciplinaire imposée, entre autres, par les tâches ménagères. Donc là, je vais faire un inventaire de ces stratégies d'adaptation à la caserne, la stratégie d'adaptation par rapport aux tâches ménagères. La première stratégie, j'en ai repéré quelques-unes, mais la première stratégie, c'est la stratégie du maquillage ou de la dissimulation, une stratégie qui vise à échapper aux sanctions disciplinaires au moment des revues d'inspection du matériel. Parmi ces stratégies, on en trouve quelques-unes qui sont inventoriées notamment dans les manuels de gradé, c'est-à-dire qui sont au courant de ces stratégies. On peut citer notamment celle qui consiste à mouiller sa chemise ou son uniforme pour dissimuler une tâche quelques minutes avant une revue d'inspection. Alors c'est une stratégie qui est risquée, puisqu'évidemment, les sous-officiers qui observent ces tenues ont déjà fait le coup, ils connaissent la combine. Donc évidemment, ça rend cette stratégie périlleuse. Autre stratégie pour échapper aux sanctions, celle qui consiste à voler les affaires à un camarade ou à voler les affaires dans la chambrée voisine pour présenter au moment de l'inspection des affaires toutes neuves, bien entretenues, etc. Là, c'est une pratique qui est extrêmement courante dans les casernes. Paul Simon, qui est un officier qui se définit lui-même comme un sociologue militaire à la fin du XIXe siècle, décrit ce type de technique qui consiste justement à échapper aux sanctions disciplinaires. Donc je le cite, « Tout d'abord, les soldats ne font que prendre momentanément à leurs camarades leur linge et leurs vêtements pour les porter, lorsque les leurs sont sales et déchirés ou égarés, se promettant de leur rendre prochainement, puis ils oublient de les rendre. L'homme dépouillé de sa veste et de ses brodequins les remplace en prenant à son tour ceux d'un voisin absent. Il s'établit ainsi peu à peu une sorte de chapardage général et circulaire, une manière de collectivisme concernant l'usage des effets militaires. » Donc on peut dire d'une certaine manière que l'objectif des tâches ménagères, qui est quand même d'entretenir les objets, est en permanence détourné par ces stratégies qui sont liées donc aux enjeux disciplinaires. On a un autre exemple ici avec cette carte postale. On voit donc, bon là encore une fois c'est un lieu commun de la vie de caserne. Vous avez donc le soldat qui demande au caporal de chambrée « Je ne peux pas balayer, caporal, le balai a disparu. » Et le caporal lui répond « M'en fiche, servez-vous du manche, je suis de la classe. » Je suis de la classe, ça veut dire je vais bientôt partir, ça ne me concerne plus. Alors, ce que sous-entend cet échange, c'est que finalement, peu importe que le ménage soit fait ou pas, débrouillez-vous, volez le balai à un voisin, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Le principal, c'est d'échapper à la punition, c'est pas de faire le ménage finalement. Ce type d'attitude face aux tâches ménagères évoque pour le coup une autre stratégie qui est également très développée parmi les conscrits, la stratégie dite du « je m'en fichisme », j'emploie ce terme parce que c'est un terme qu'on retrouve dans les sources, qui consiste à en faire le moins possible ou à réaliser la tâche le plus lentement possible. Alors c'est le type de stratégie qu'on retrouve assez fréquemment dans les corvées. Là, je vois un exemple de soldats qui partent gaiement pour la corvée. Alors les corvées sont réservées aux soldats punis qui doivent réaliser les tâches les plus dégradantes, la fameuse corvée de chiottes qui existe déjà à l'époque, ou des tâches qui ont surtout pour objectif de les occuper, de les punir, qui sont en général assez absurdes, creuser des trous qui ne servent à rien, ramasser des feuilles mortes, arracher les mauvaises herbes, etc. Alors lors de ces corvées, on le sait, les sources sont là-dessus assez catégoriques, les soldats font preuve de mauvaise volonté, ce qui rend la direction de ces corvées d'ailleurs éprouvante pour les sous-officiers. On est très proche ici, avec ce type d'attitude qu'on retrouve pour d'autres tâches ménagères dans la, dans la chambrée, on est proche, il me semble, mais bon, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, d'une attitude courante dans les usines et les ateliers du 19e siècle, qui est celle du freinage, qui consiste à ralentir la cadence de la production pour limiter la fatigue. C'est d'ailleurs une pratique qui est réinvestie dans les tranchées en 14-18, avec le système du Live and Let Live, qui a été mis en lumière par Tony Ashworth, qui montre comment les soldats britanniques appliquaient avec grande modération les ordres donnés aux premières lignes et cherchaient à tout prix à maintenir le calme dans leur secteur. Donc ils évitaient de tirer sur les Allemands, etc. Et Ashworth dit que finalement, c'est une sorte de réinvestissement de cette technique du freinage. Troisième stratégie possible, qui est peut-être moins une stratégie qu'un réflexe inconscient, c'est le détournement symbolique des tâches ménagères. Ce détournement symbolique s'inscrit dans ce que l'on peut appeler l'esprit de chambrée, ou le mauvais esprit de chambrée. C'est un esprit très particulier, fait de solidarité, de camaraderie, mais également d'exclusion, de brimade, de blague potache et de protestation plus ou moins consciente contre l'autorité et la discipline militaire. Et cet esprit de chambrée s'exprime au moment des tâches ménagères par une série de jeux avec les objets. On peut en avoir ici quelques exemples. Donc une carte postale qui nous montre le nettoyage des chambrées. Donc on a sorti les lits, on a sorti le matériel pour pouvoir passer la cire sur le parquet. Puis on voit au fond ce soldat ici qui s'adonne au sport des chambrées, c'est-à-dire la bataille de Polochon, et qui donc donne un coup à son camarade. Autre exemple, pendant les tâches ménagères, bon, évidemment, sont en partie des mises en scène, ces cartes postales, évidemment. Mais là, on voit donc on est le dimanche, donc en pleine scène de ménage des chambrées, et puis on voit ces soldats qui s'amusent. On renverse celui qui dort, qui est dans le lit, donc ça c'est un classique également dans les jeux de chambrées, et puis on va lui donner un coup de polochon. Alors ce détournement symbolique est en définitive une forme d'appropriation détournée des objets, une manière de desserrer l'emprise disciplinaire de ces objets en les tournant en dérision ou en les intégrant dans un esprit potache. Et on peut là encore une fois faire une comparaison avec le monde de l'usine, notamment les grèves de 1936, avec cette appropriation symbolique des machines dans les grandes usines taylorisées. Dernière stratégie qui est sans doute la plus efficace pour échapper à cette emprise des tâches ménagères, c'est celle qui consiste tout simplement à payer un autre soldat pour faire le travail à sa place. C'est une technique qui est utilisée par les soldats les plus fortunés, qui prennent ce qu'on appelle un brosseur. Alors, il s'agit le plus souvent d'un soldat expérimenté dans les tâches ménagères, qui pour 2 à 3 francs par semaine va prendre en charge l'astiquage, la couture, l'entretien de l'équipement d'un autre soldat. Alors, pour le coup, cela permet aux jeunes bourgeois qui sont à la caserne, qui vont utiliser cet argent, d'échapper en partie à cette emprise disciplinaire. Ils le font d'ailleurs de plein d'autres manières. Ils vont par exemple avec leur argent corrompre les sous-officiers en leur offrant des cigares, de l'alcool, des restaurants, etc. Ils s'offrent une chambre en ville pour passer un peu de temps libre, avoir un peu d'intimité, et leur capital scolaire leur permet d'avoir des postes de comptable ou de secrétaire, donc de s'embusquer également dans les régiments. Pratique que l'on retrouve à mon avis dans les tranchées de 14-18 également. Ça reste à discuter. Cette pratique du brosseur est dénoncée par les officiers à partir des années 1880. On le voit d'ailleurs, ce dessin exprime une sorte de refus de cette pratique, une sorte de condamnation de cette pratique. Cette pratique est dénoncée au nom du principe égalitariste à l'œuvre dans le service militaire. Effectivement, c'est pas une bonne image du service militaire, mais on peut également penser que les officiers condamnent cette pratique, parce que pour eux, finalement, c'est le signe d'une remise en cause de leur propre privilège. Les officiers ont également leurs propres domestiques qu'ils vont choisir dans la troupe. Ce sont leurs ordonnances. Donc c'est un soldat du contingent, on le choisit, puis il va donc s'occuper des tâches domestiques. Il va même devenir le domestique de l'officier, mais jusque dans ses appartements. Ce sont des places qui, paradoxalement, pas vraiment paradoxales, mais sont recherchées par les soldats, parce qu'on échappe aux corvées, on va en ville, etc. Alors, en dépit des multiples condamnations de cette pratique des brosseurs, elle se perpétue pendant la période, et on la retrouve encore en 14-18, quand on lit les carnets de Marc Bloch, notamment, on voit qu'il a un tampon, c'est-à-dire qu'il a encore un soldat qu'il utilise comme domestique. Alors, en définitive, ces stratégies de détournement posent la question également de la perception de ces tâches ménagères chez les conscrits. On a vu qu'ils se pliaient à ces tâches, ils incorporaient les savoir-faire, réclamaient ces tâches, ils essayaient également de les détourner. Mais on peut également se poser la question de savoir si ce rapport aux tâches ménagères recouvre ou pas eh bien, une opposition de genre. Dit autrement, est-ce que ces tâches ménagères entrent en contradiction directe avec la masculinité que l'institution militaire prétend incarner et imposer aux soldats? Je vais revenir un petit peu en arrière. Donc c'est ma dernière partie, conclusion. Hein. Donc les tâches ménagères sont-elles un danger pour la masculinité militaire? Alors autant le dire directement, j'ai trouvé nulle part de discours tendant à remettre en cause ces tâches ménagères dans l'armée pour des motifs de genre. Je n'ai trouvé aucune source là-dessus. Et il semble en effet que cette opposition n'a pas traversé l'esprit des contemporains. Pour l'institution militaire, c'est-à-dire surtout pour les officiers, un bon soldat est un soldat discipliné, qui se plie aux ordres, qui fait son lit, qui sait passer un coup de balai, qui entretient le matériel militaire. Et de fait, ces tâches ménagères s'inscrivent parfaitement dans la culture militaire du XIXe siècle, en tout cas celle qui apparaît dans le premier XIXe siècle, c'est-à-dire celle qui est obsédée par la discipline, par l'ordre, par les règlements, etc. Pour les jeunes bourgeois qui sont présents à la caserne, cette contrainte ménagère ne renvoie pas à la notion de féminité, mais renvoie plutôt à une notion de domesticité. Dans les conseils aux conscrits, qui sont destinés, on peut le penser, à un lectorat relativement aisé, Pierre Desclos décrit ses tâches ménagères et ajoute, à l'adresse des lecteurs, « Vous rendrez des points au valet de chambre et à la bonne. » Valet de chambre et à la bonne, pas seulement à la bonne, hein, on voit dans ses représentations. On retrouve cette comparaison dans la correspondance d'Alexandre Miran, lors de son passage à la caserne en 1978. J'ai découvert cette source aux Archives nationales, c'est assez émouvant. C'est le jeune Alexandre Miran qui écrit une lettre à sa maman deux fois par semaine quand il est dans les casernes. Il a beaucoup de mal avec la discipline militaire. C'est d'autant plus piquant que par la suite il sera ministre de la guerre, on le sait, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Et il écrit donc à sa mère qu'il passe beaucoup de temps à cirer ses chaussures et ajoute, je cite, « Constance rougirait de honte de voir comment je l'ai fait reluire, Constance étant la bonne de la famille Millerand. » Donc Alexandre Millerand, d'ailleurs, prend par la suite un brosseur parmi les soldats de sa chambrée et va reproduire ce modèle, hein, donc du schéma maître domestique, comme d'ailleurs la grande majorité des jeunes bourgeois qui sont présents à la caserne et qui le font avec un grand naturel. Ça leur pose absolument aucun problème. Alors, cette pratique pose une autre question. Est-ce qu'on assiste, à travers ce partage des tâches ménagères, à une redistribution des rôles sexuels au sein de la caserne, comme on peut le voir, par exemple, en milieu carcéral? On sait que cette pratique existe. Bon, à Biribi, notamment, on sait que ça existe, d'ailleurs, dans les bagnes coloniaux de l'armée française. Il me semble que les catégories de genre ne peuvent pas être mobilisées sur cette question. D'abord parce que le modèle de domesticité dans les casernes est masculin, ce sont les soldats ordonnance. Donc il n'y a pas de sous-entendu dans le fait d'être brosseur, il n'y a pas de sous-entendu de féminité. Ensuite, on peut également se demander si cette pratique est pensée sous l'angle de la domesticité par ceux qui exercent la fonction de brosseur. Et alors là, les choses sont, à mon avis, plus complexes. Il y a bien effectivement une forme de domination économique, mais il ne faut pas oublier que les brosseurs tirent un double profit de cette fonction. D'une part, de l'argent. 2 à 3 francs par semaine, c'est beaucoup par rapport à la solde d'un soldat. Et un profit symbolique également. Effectuer ces tâches d'entretien, c'est aussi faire valoir son savoir manuel, celui des classes populaires qui sont majoritaires dans les casernes, face aux jeunes bourgeois qui en sont souvent démunis. C'est une manière de prendre l'argent aux jeunes bourgeois en faisant en plus valoir son savoir manuel. Cette inégalité face au savoir manuel, on en trouve de nombreux témoignages en 14-18, et Nicolas Mariot, qui a étudié les rapports de classe dans les tranchées, s'arrête justement sur ces questions-là. Il parle notamment de ces jeunes intellectuels frustrés par leur manque de compétences face au savoir-faire des classes populaires. Donc là aussi, la question du genre ne paraît pas réellement sous-entendue dans cette pratique. Donc en définitive, on voit bien que ces tâches ménagères relèvent moins du genre, qu'elles ne s'inscrivent dans un rapport de pouvoir, qui est un rapport disciplinaire, un rapport qui articule savoir et pouvoir, je reprends ici la définition de Michel Foucault, c'est-à-dire un savoir ménager et un savoir disciplinaire, savoir recoudre son uniforme, mais connaître aussi les combines pour échapper aux sanctions, et pouvoir de punir, pouvoir d'échapper aux punitions. Donc cette approche par la routine, par le détail, je vais être un peu long, on dit pour le temps, non ? Cette approche par la routine, par le détail, par les gestes quotidiens et répétés, a le mérite de sortir d'une autre explication culturaliste, un peu abstraite, formulée à propos de la virilité militaire. L'explication selon laquelle la caserne serait effectivement le lieu de production d'un modèle hégémonique de masculinité qui s'imposerait à tous les soldats, ce fameux modèle militaro-viril qui aurait tant d'influence, soi-disant, sur les Français avant 1914. Alors j'aimerais juste, pour conclure, faire quelques remarques rapides à ce sujet, à propos du modèle militaro-viril. Il me semble que ce type d'analyse ne prend pas en compte la question de la réception de ce modèle de masculinité militaire, ni des différences sociales et des rapports de pouvoir qui sont induits par l'usage de ces modèles. Il y a en réalité, je pense, mais on pourrait en discuter, hein, plusieurs manières d'être un homme sous l'uniforme, et on peut parler d'un véritable rapport de force, d'ailleurs, entre différents modèles sociaux de masculinité, qui jouent notamment au moment de la condamnation des sous-officiers dans l'opinion publique, les sous-offres, hein, on accuse d'être des hommes brutaux, etc. Et cette accusation se produit justement en référence à un autre modèle de masculinité, qui est celui de la bourgeoisie, qui est un modèle de masculinité dominant, celui qui apparaît à la fin du XIXe siècle et qui a été étudié par Anne-Marie Zone, notamment. Donc non seulement ce modèle militaro-viril censé s'imposer à tous les Français en réalité ne fait pas l'objet d'un véritable consensus, mais certains auteurs antimilitaristes n'hésitent pas à nier la capacité de l'armée à produire du masculin. Et il y aurait, je vais terminer là-dessus, de ce point de vue, une lecture gender à faire des romans de caserne à la fin du XIXe siècle. Je pense notamment à un ouvrage de Lucien Descaves, qui est un romancier naturaliste, disciple de Zola, et également ancien sous-officier, qui dans son roman Sous-offre, qui a fait scandale à la fin du XIXe siècle, avance à différentes reprises l'idée d'une forte convergence entre la condition féminine et la condition militaire. Il écrit notamment, et ça va devenir un slogan antimilitariste, que le bordel est l'envers féminin de la caserne. En effet, donc le corps des prostituées, comme celui des soldats, étant enfermé, contrôlé par les visites médicales. Il ne faut pas oublier que s'il y a que la réglementation, effectivement, oblige les prostituées à subir un contrôle des parties génitales. C'est également le cas pour les soldats dans les casernes. On va vérifier s'ils ont ou pas des maladies vénériennes, ils peuvent être punis. Mais s'ils ne dénoncent pas la femme qui les a contaminés, parce évidemment c'est toujours la femme qui contamine. C'est ça dans la logique de la réglementation de la prostitution. Donc cette idée donc de bordel comme envers féminin de la caserne, et puis également Lucien Descaves pour qualifier certains sous-officiers très préoccupés par leur apparence, par leur pouvoir de séduction, emploie le terme de garce ou de grisette en uniforme. Alors, il y a là sans doute, mais c'est encore une fois une piste à creuser, le signe d'une condamnation bourgeoise de la masculinité militaire qui révèle peut-être une opposition entre une masculinité bourgeoise, hégémonique, dominante, et ses formes de masculinité militaire, une opposition qu'on retrouve alors notamment dans ce tableau célèbre de Jean Béraud, et qui permet de voir effectivement qu'au XIXe siècle, au moment où l'habit bourgeois s'uniformise, se simplifie, les militaires sont les seuls à porter des couleurs, peut-être pas les seuls, hein, je m'avance, mais en tout cas, ils sont les seuls, bon, ils ne sont pas les seuls à porter des couleurs, et des uniformes qui sont plus compliqués, ce qui les rapproche davantage peut-être dans l'imaginaire bourgeois de la symbolique vestimentaire féminine. Ensuite, le corps effectivement du militaire est soumis, obéissant, enfermé, ce qui pourrait également renvoyer, mais ça reste à creuser, à l'image idéale de la ménagère dans la sphère domestique bourgeoise. Enfin, dernier indice, j'ai trouvé dans la presse militaire de nombreux articles de consommation qui laissent entendre effectivement un véritable intérêt de certains militaires pour leur pouvoir de séduction, pour leur apparence, et qui pourrait là aussi renvoyer dans l'imaginaire bourgeois à une forme de coquetterie féminine. J'ai trouvé notamment des pommades, des friseurs à moustache, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, et également des corsets pour hommes. Et il me semble que cette image est intéressante parce que quand on lit notamment Vigarello sur la question du corps redressé, les militaires n'ont pas besoin de corset, ils font de la gym. Donc normalement, le corps doit être droit et le corset doit être réservé aux femmes. D'ailleurs, ce corset ressemble beaucoup à un corset de femme. Hein, donc plus qu'est-ce qu'il se lanière ici. Et alors effectivement, ça pose la question, moi, évidemment, est-ce que ce type d'article, on les retrouve pas dans le monde civil, hein, ça c'est une autre question. Donc, pour conclure, hein, cette contestation de la masculinité militaire constitue, à mon avis, un indice supplémentaire pour nuancer l'idée d'une hégémonie du modèle militaro-viril avant 1914. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que c'est la croisée de pas mal de nos... De toute façon, on s'en doute un peu concernant, en tout cas pour pas mal de sujets. Discrétion, c'est pas juste que c'est un article érotique. C'est étonnant, le fait de promettre la discrétion, non ? Je vais même pas regarder ça. Tarif, ah, ne pas renseigner. Oui, oui, je pense qu'effectivement c'est une manière de. Non. Je sais pas. C'est possible. Oui. Non, mais c'est. Non, je pense que sur une vidéo, ce genre de discussion existe. Mais quand la transgression avec le glace est vendu dans. La vidéo militaire. Oui, voilà. Ouais. C'est juste la promesse de discrétion qui est un peu... Mais ça revient avec les étudiants, enfin, les joueurs de la cour en 2014, pour montrer leur générosité avec des prothèses. Et de braguer. Oui, c'est une manière de montrer aussi sa virilité. Enfin, il y a plusieurs interprétations. Moi non plus, justement. C'est à quelqu'un. Merci Mathilde. Ouais. D'abord, moi, je trouve ça très intéressant de poser la question du sens et des usages disciplinaires de la routine. À la fois donc l'usage qu'on fait du temps des autres, et puis la routine disciplinaire qui ferait de la punition un élément de la routine et du temps. J'aime bien cette dialectique, et je voulais savoir justement la question de l'usage des temporalités des individus, parce qu'en fait, tu as parlé beaucoup de routine et beaucoup d'espace, et d'objets et très peu de temps. Et je voulais savoir s'il y avait des usages différenciés du temps. Enfin, en gros, là, on a l'impression, on a une image un peu monolithique de la routine. Est-ce que les routines sont toutes les mêmes? Visiblement, il y a un temps un peu différent pour les officiers. Et je voulais savoir si eux avaient aussi, enfin, s'il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'éducation, enfin, comme dans le monde religieux, quoi, de l'ordre de l'éducation dans les temps, et du coup, je pose plusieurs questions en même temps, mais est-ce qu'il y a un usage différent du temps, et est-ce qu'on met une valeur différente dans le temps routinier selon les grades? Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est difficile à penser quand on est extérieur au monde militaire, c'est la question de l'articulation du grade et de la classe. Parce que tantôt, on a l'impression justement tu combats l'idée d'une homogénéisation, et en même temps, tu t'appuies sur les comportements indisciplinés, sur l'habitus populaire, et du coup on ne sait pas. Il y a un petit quelque chose de flottant, et je rajoute la question de l'âge, dans la mesure où finalement les habitudes d'indiscipline que tu décris sont des habitudes qu'on est habitué à assigner aux jeunes gens, jeunes hommes en particulier, des classes populaires. Et voilà, et j'ai eu un tout petit doute, mais c'est parce que sur la possibilité qu'on a, moi je suis dans la même question, donc de comparer des l'insubordination ouvrière et l'insubordination à la caserne, je pense qu'il y a des filiations. En revanche, je pense qu'on n'est pas du tout indiscipliné de la même façon, précisément dans cette période-là, qui est quand même un temps particulier d'indiscipline ouvrière. Et dans les années 30, il y a un ordonnancement très fort social. Et voilà. Et je pense que tout le monde a plein de questions, donc j'en ai plein d'autres, mais je m'arrête. Sur la question d'effectivement de la temporalité, moi il me semble que c'est d'ailleurs on le voit quand on fait l'exploitation quantitative du registre de punition, il me semble que c'est par ça qu'on contrôle le plus les soldats. C'est-à-dire vraiment par d'ailleurs on le voit, ils sont le plus souvent punis parce qu'ils sont pas à l'heure, parce qu'ils sont pas arrivés au bon moment. Et il y a effectivement dans les casernes ce qu'on pourrait appeler une sorte de calendrier du clairon, parce qu'il y a des appels en permanence. Il faut être présent, effectivement, les corps doivent être présents à tel moment, dans telle place, etc. Donc la temporalité est effectivement très importante. Pour la routine, il y a effectivement. Moi, ce qui me semblait intéressant sur la question des tâches ménagères, c'est que il y a effectivement les inspections qui reviennent de manière régulière, mais il y a une espèce de continuité, enfin, vraiment une permanence. Il faut toujours s'occuper de sa tenue, il faut toujours faire attention aux chaussures. Quel que soit le grade. Non, pas quel que soit le grade. Enfin, c'est-à-dire que c'est pour les conscrits, hein, c'est pour les soldats. Pour les sous-officiers, ils sont globalement plus épargnés par ce contrôle. Plus on s'élève dans la hiérarchie, moins on subit ce type de contrôle. Ensuite, pour la question effectivement des classes sociales, moi ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, mais pour le coup effectivement c'était pas le propos, mais c'est qu'effectivement il y a pendant cette période globalement une corrélation assez forte entre la classe sociale et le grade. Mais il peut aussi y avoir des inversions. Et c'est justement ce qui pose problème pour les sous-officiers, parce qu'on a des jeunes bourgeois qui arrivent dans les casernes, qui sont confrontés tout d'un coup à des sous-offres, qui peuvent être des gens qui peuvent être, pour certains, pas tous, mais des cultivateurs, etc. Et pour le coup, il y a une inversion sociale de l'autorité qui est vraiment vécue comme scandaleuse par beaucoup de jeunes bourgeois et qui explique justement le mépris du sous-off dans les casernes, etc. Est-ce que l'autorité sociale, est-ce que le fait d'être un bourgeois, pour dire les choses rapidement, joue sur le fait d'être obéi ou pas? Ça, c'est une question qui... bon, qui a été posé dernièrement par Nicolas Mario, mais qui a été totalement laissé de côté par l'école de Péronne, hein, sur ces questions d'autorité. Moi, il me semble que ça joue un peu. Ça joue un peu, mais c'est seulement un facteur parmi d'autres, des possibilités d'obéissance. Donc, c'est une question qu'on pourrait développer là-dessus, mais effectivement, je suis un peu partagé.